Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéotop. Aujourd'hui, un DVD Disney. Sur les bords du Mississippi, dans les années 20, la Nouvelle-Orléans vibre au son du jazz et de la romance. Pourtant, la belle Tiana n'a pas une minute à perdre en rêvant à l'amour. Passionnée par la cuisine, elle se consacre entièrement à son plus cher désir, devenir une restauratrice à succès et accomplir ainsi le rêve de son père. Tu aimerais que je t'embrasse, hein? Oui, j'avoue qu'un baiser me conviendrait. Je suis le prince Navi. Je peux continuer? Un prince? J'ai été envoûté par un sorcier. Au naturel, je suis un prince charmant, désirable, danseur hors pair, et puis d'une minute à l'autre, je me prends les pieds dans ces trucs-là. Tout le monde croit connaître l'histoire de la princesse et la grenouille. Il faut que tu m'embrasses. Je te demande pardon. Je t'en prie, princesse, ça me fera redevenir humain. Alors, un seul baiser. À moins que tu en veuilles un peu plus. Mais personne ne sait ce qui s'est passé après le baiser. Oh. Jusqu'à aujourd'hui. Comment t'as fait pour grimper là-haut? Et moi, comment j'ai fait pour tomber si bas avec... Dans la tradition des plus grands classiques de Walt Disney, La Princesse et la Grenouille. La Princesse et la Grenouille pour petits et grands enfants, un DVD Disney.